rien à péter, des coups de pute et des foireux. Rien à foutre, des fils d'up, des sales et des enfoirés, des coups de vis. Quand on taffe, ça les rend dingue, putain. Ils aimeraient tant nous voir cracher, un peu au sol, c'est ralingue. Et nous on avance tranquille, petit à petit, dans notre staff, en famille, pépère, tout casse. On sait très bien qu'il y a la haine, mais on s'en tape. Ils se détruisent tout seuls, c'est round round. C'est Aliman, esclave de l'éternel, jusqu'à l'heure où le diable s'étouffera, Inch'Allah. Un, deux, essai, c'est d'apprendre ou à laisser. Essai pour nos femmes et hommes intéressés. Ici, Aliman, nègre apprécie. Ici, au rang du succès, initie, qui sait. Non merci, pas de cesser pour nos récits. Mais ton nous, il reste dressé, même assis. Blessé, corps et âme en inertie. MC, sur le son, je reste pressé. Aliman, tu pourras pas nous effacer ces temps-ci. On vient t'agresser, gars, c'est facile, assez. J'ai un trait sur le passé, nous voici. Et mon dieu, je crache pour encaisser, putain. Faut que je vise dans la vessie, ou que j'étouffe l'enfoiré dans la piste des WC, apprécie. L'odyssée, le niveau pourra pas baisser. Tisser la toile de nos avenirs indécis. T'as pas le choix, j'aime trop ma liberté. Le traquenard t'avait averti, j'ai ma fierté, c'est les miens. Et sache que des deux mains, pour l'humain, tu lèveras les deux mains. Peut-être que les fils d'hommes trouvent ça dément. Décidément, la vie nous confronte chaque jour aux démons. Quelle sera l'issue? Je me le demande et pourtant, on est toujours partant, présent de partout. Alors prépare-toi, le staff Aliman fait un carton et démontre ses capacités. Sur mixtape ou maxi, live à la radio, jusqu'à la maison en Rap City. Je te conseille, appuie sur la touche record. Marseille, on plante le décor, pète les records dès maintenant, les amis. Pour des années encore, et les traits de c'est subir. Apprendre droit, laisser, y'a pas d'essai ici, c'est S Marocco qui vient de saigner. Avec des mots comme une lame aiguisée, mon crew Aliman staff est là pour avancer. Ainsi que la foi liée au respect, que certains ont oublié dans la rapera et la boisson. Perdu dans le poison et ses illusions, c'est les traits que nous accusons. Ah bon, c'est ça, tu vas goûter aux lois d'Allah, oula, crois-moi, rouya. Tu parles mais t'es loin de moi, ma'alish. Élevé au son de Gaza, une pensée pour les frères de Gaza. Dans nos phrases, écrasés dans tout ce bazar. Pas de hasard, chaque jour c'est l'intifada. Je parle blasé, vas-y. Aliman est organisé ici. C'est à prendre ou à laisser précis. Y'a des putes à l'Elysée, des nazis. Dans la rue j'en vois aussi, aussi. Tourner vers l'avenir, apprendre ou à laisser. Garde ta fierté, apprendre ou à laisser. On doit contrôler, apprendre ou à laisser. Chaque cité, apprendre ou à laisser. Chaque quartier, apprendre ou à laisser. Doit progresser, apprendre ou à laisser. Être inspiré, apprendre ou à laisser. Mentalité, apprendre ou à laisser. Tourner vers l'avenir, apprendre ou à laisser. Garde ta fierté, apprendre ou à laisser. On doit contrôler, apprendre ou à laisser. Chaque cité, apprendre ou à laisser. Et chaque quartier, apprendre ou à laisser. Dans nos pensées, apprendre ou à laisser. Pour m'émancer, apprendre ou à laisser. Alimenter, apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Bon écoute à toi et toi de comprendre mon essai. Et ouais j'essaie vu qu'ici rien n'est acquis. Oppressé, stressé, avance tous au taquet. Entouré de tas de toqués, CRS tu plein de talkie walkie, baba. Trop de frères embarqués, ou en bas. Trop de mômes au parquet, perqué je sais pas. En tout cas nique les perquisitions. Et l'état qui oublie nos perquis. Nique les réens montant leur parquet nacré. Chez nous les anciens restent sacrés et sages. Même ensemble on s'accroche, ensemble on crie et crée notre défense. Avec la même rage en crée un nouvel. Ici l'enfant craque et se défonce. Peu de bonheur concret, à l'horizon que dès l'heure. Donc dès lors, Aliman le sacré dans ta tête et dis-leur. Frère, pas le même délire, sans rire, ils veulent nous pendre ou nous blesser. Prends ta part, le combat est lancé. Ainsi que l'aider, à toi de décider. Frère, si à prendre ou à laisser. Bon, en direct sur MarseilleCity.com. Hi. On rend l'antenne. Tourner vers l'avenir, apprendre ou à laisser. Garde ta fierté, apprendre ou à laisser. On doit contrôler, apprendre ou à laisser. Chaque cité, apprendre ou à laisser. Et chaque quartier, apprendre ou à laisser. On doit progresser, apprendre ou à laisser. Être inspiré, apprendre ou à laisser. Mentalité, apprendre ou à laisser. Tourner vers l'avenir, apprendre ou à laisser. Garde ta fierté, apprendre ou à laisser. On doit contrôler, apprendre ou à laisser. Chaque cité, apprendre ou à laisser. Et chaque quartier, apprendre ou à laisser. Dans nos pensées, apprendre ou à laisser. Pour m'émancer, apprendre ou à laisser. Alimenter, apprendre ou à laisser.